Alger, 1er décembre 1981, 11h30. Morel pour Ricard, je répète, Morel pour Ricard. Je vous reçois, colonel. Nous nous apprêtons à quitter le convoi présidentiel pour prendre la direction du ministère de la Défense algérien. À vous. Entendu. Maintenant, c'est silence radio entre nous. Terminé. Bon, vous avez entendu, les gars. On ralentit encore un peu. Laissez l'escorte nous dépasser. Parfait. On sort à gauche. Maintenant. Mon colonel, il y a une jeep de l'armée algérienne qui nous suit. C'est normal. On arrive sur l'avenue France Fanon. Soyez parés à toute éventualité. Nous sommes attendus par le général Anouar. C'est bon, ils ouvrent la barrière. Avancez jusqu'au porche. On vient avec vous, mon colonel. Négatif. J'y vais seul. Vous m'attendez dans la voiture. Bien, mon colonel. Paris, salon privé du restaurant La Serre, 20h30. Messieurs, Petrus 1971. Je te laisse goûter le vin, André. Le vin vous convient, monsieur? Il aurait pu passer encore 2 ou 3 ans en cave. Mais c'est pas mal du tout. Je vous sers, monsieur? Non, pas pour moi, merci. Comment ça? Tu prends des médocs? Est-ce qu'il y a une fiche à mon nom chez vous? Qu'est-ce que tu crois? La DST a des fiches sur tout le monde, même sur le président. Dans ce cas-là, elle doit être incomplète, je ne bois jamais d'alcool. Eh bien, je boirai seul. Écoute, j'ai voulu qu'on prenne le temps de discuter en privé. Entre chefs, sans être emmerdé par une kyrielle de sous-fifres. Je sais ce que tu ramènes d'Algérie. De quoi est-ce que tu parles? C'est mon métier de savoir ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'un accès à cette fille. Je veux pouvoir l'interroger place Beauvau. Hors de question. J'ai besoin de tous les détails de l'affaire pour que la DST puisse remplir ses missions de contre-espionnage. La Sûreté Nationale? Non, mais tu me prends pour un con. Mathieu, je pense vraiment qu'on devrait coopérer sur ce coup-là. C'est un non catégorique. Cette affaire a commencé au SDEC, elle se terminera au SDEC. Messieurs. Pigeon André Malraux. Merci. Merci. Je me doutais que tu ferais ta mauvaise tête. J'ai une information cruciale que je suis prêt à te donner si tu lâches du lest. Ah oui? Et que si tu l'ignores? Le nom de Code Farewell, ça te dit quelque chose? J'en ai jamais entendu parler. À part un ou deux ministres, Ricard et Mitterrand, personne ne connaît. Personne ne doit savoir. Je te fais une vraie fleur. C'est quoi, Farewell? C'est qui? Un officier du renseignement soviétique à qui on a rendu un gros service il y a longtemps, quand il était en poste à Paris. Rien de bien nouveau? Laisse-moi continuer. Le type est retourné à Moscou. Il a grimpé dans la hiérarchie du KGB. On a repris doucement contact avec lui. Il y a un honorable correspondant là-bas. De l'autre côté du rideau de fer? Mais c'est mon domaine, ça! Arrête tes conneries. Tu n'avais personne de fiable sur place. En tout cas, le type a commencé à nous faire passer des infos. Des infos vraiment solides. De quelle nature? Très diversifié, très riche. Mais ce qui va t'intéresser, c'est qu'il nous a remis une liste des agents doubles soviétiques en France. Vous êtes en train de vous faire intoxiquer? Non, on a eu des doutes au début. C'est fiable. Mitterrand en a même parlé à Reagan. Bordel, je suis le directeur du SDEC et personne ne me dit rien. C'est du sabotage. Ricard savait? Depuis combien de temps? Calme-toi, Mathieu. Lui et le président sont au courant depuis 3-4 mois, mais il faut les comprendre. Tu sais bien que nos services sont en partie évérolés. C'est pour ça que j'ai voulu te voir seul à seul. Eh bien, je suis là et nous sommes seuls. Je te donnerai les détails en temps voulu. Mais il faut que tu saches qu'Hector Créange ne figure pas sur la liste que Fairwell nous a remise. Je crois que ce renseignement peut être utile, n'est-ce pas? Quoi? Créange ne roulait pas pour les soviétiques? Non, aucun doute. D'après Fairwell, il était même dans le collimateur du Kremlin. Ils ont tenté de l'éliminer lorsqu'il était en poste à Vienne. Il ne vous avait rien signalé, je suppose. Maintenant, je voudrais voir la fille. Et moi, je veux une confirmation écrite de tout ce que tu avances. Tu vas commencer par me remettre cette fameuse liste. C'est raisonnable. Mais tant que j'y suis, Mathieu, un dernier cadeau. Ce gros dossier, c'est pour toi. C'est quoi? Toujours Créange? C'est l'enquête de la Banque de France. Elle était sous embargo. Ricard ne voulait pas que ça circule, et contrairement à toi, je me fous de ce que Ricard raconte. Tu verras, la lecture en est fastidieuse. Mais il en ressort que Créange adorait les montages financiers internationaux. Et qu'il était riche. Extrêmement riche. Quelque part au-dessus de la Méditerranée, 20h50. Je suis libre. En quelque sorte. Vous m'offrez une cigarette? Je ne fume pas. J'ai mal au crâne. Vous êtes encore sous l'effet du thiopental sodique que vous ont injecté les Algériens. Il faut compter plusieurs heures avant que ça se dissipe. Vous devriez vous reposer. Les militaires armés et cagoulés au fond de l'avion sont là pourquoi? Pour me protéger ou me surveiller? Ce voyage a un coût. Nous prenons des précautions. Où vous m'emmenez? À Paris? Regardez-moi. Ça fait 3 mois que je crève de faim dans une cellule sans fenêtre. Vous êtes le premier responsable à qui je parle. Pourquoi vous me traitez comme une prisonnière? Je ne suis pas autorisé à discuter avec vous. Je suis un agent du SDEC. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Dormez. Vous allez avoir besoin de force. Siège du SDEC, 23h50. Melville de la DST m'a donné le dossier de la Banque de France. Après le décès de Créange, les banques suisses où il avait des comptes cachés ont levé leur secret. Eh bien, les sommes versées par le SDEC à Orlov allaient directement sur ses comptes. Comment ça? C'était pas de l'intox. Les renseignements fournis étaient de qualité. Mais j'arrive toujours pas à saisir d'où ils provenaient. On parle de secrets technologiques ultra protégés par l'URSS. Les soviétiques ont même tenté de le liquider à plusieurs reprises. Créange n'était pas en train de passer à l'Est. Mais alors pour qui travaillait-il? Pour le plus offrant. L'argent transité par la Suisse via des prête-noms et des sociétés écrans, mais provenait du monde entier. Fonds américains, israéliens, britanniques et même soviétiques. C'est trop gros pour qu'il n'y ait pas une agence de renseignement derrière tout ça. Sa fille doit en savoir plus que nous. Je vais aller l'interroger. Seul. Vous suivrez cet entretien via le poste de télévision installé dans la pièce voisine. Très bien. Vous allez voir, elle est assez perturbée. Sa captivité l'a beaucoup affaiblie. Siège du SDEC, cellule, 2 décembre, 0h10. Mathieu Fouché, directeur du SDEC. Bonjour Jeanne. Evans, Créange, Bizet. Vous avez de nombreux patronymes, lequel dois-je employer? Je suis fatiguée. J'aimerais me reposer. Si je travaille pour vos services, pourquoi me traitez-vous comme une ennemie? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous travaillez pour nous? C'est un test? Répondez simplement. Racontez-moi votre recrutement. Mon père m'a parlé pour la première fois du SDEC pendant mes études au MIT. Et quel âge aviez-vous ? 19 ans. J'étais en première année. Et que vous a-t-il dit exactement à l'époque ? Qu'il travaillait pour les renseignements extérieurs français. Mmh. Et ? Est-il vraiment nécessaire que je revienne en détail sur mon recrutement, là, maintenant ? J'aimerais vraiment pouvoir dormir un peu. Répondez aux questions. Il m'avait expliqué l'ambition du SDEC d'étendre son réseau dans les milieux universitaires. Pouvoir infiltrer un établissement de recherche aussi prestigieux que le MIT était une opportunité unique. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. Et en quoi devait consister cette aide ? Au début, très peu de choses. Je lui transmettais des listes de noms, les meilleurs éléments par exemple. Quand j'ai rejoint la section aéro-astro, il a commencé à m'en demander plus. J'écrivais des notes détaillées sur les méthodes d'enseignement, les nouveaux projets de recherche des labos. Et une fois chez Lockheed, vous avez continué ? Oui et non. Mon recrutement chez Lockheed l'avait beaucoup enthousiasmé. Mais il considérait que mon poste était trop sensible pour que je continue à communiquer aussi directement. Je devais simplement le tenir au courant de l'avancée du projet Senior Trend. Jusqu'à ce qu'il vous recontacte en mai dernier. Oui. Il est venu me voir à Burbank. Et quelle raison vous a-t-il donné ? Il m'a dit que Paris était convaincu que Reagan allait utiliser l'avion furtif pour mener une attaque surprise contre l'URSS. Il fallait agir vite. Vous savez, Jeanne, moi aussi je suis fatigué. Vous voulez vraiment qu'on joue à ça toute la nuit ? Ces plans, à qui étaient-ils destinés ? Je sais que votre père comptait les vendre. Mais dites-moi à qui ? Comment ça ? Mais à vous, bien sûr. Cessez de me prendre pour un imbécile. Cet entretien est filmé. Nos spécialistes analysent chacune de vos phrases. Mais je vous dis la vérité. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres du SDEC. Si mon père était en vie, il vous le confirmerait. Votre père a été enterré à Paris avec les honneurs, mais c'est seulement pour la façade. Tout le monde sait ici qu'il a trahi. Les activités d'espionnage que vous meniez aux États-Unis n'ont jamais été placées sous l'autorité du SDEC. Jamais. C'est impossible. Cette opération devait être ultra secrète. Demandez à vos supérieurs, à l'ancienne direction, quelqu'un est forcément au courant. Au-dessus de moi, il n'y a que le ministre de la Défense et le président. Mais j'ai pris des risques inimaginables pour sortir les plans du Nighthawk. Et mon père en est mort. Pour vous. Nous ignorions tout de vous jusqu'à très récemment. Votre père nous a sciemment dissimulé votre existence. En vous demandant d'espionner Lockheed, il a agi seul. Et cette trahison n'est pas la première. C'est insensé. Les photos que j'ai prises, c'est vous qui les avez ? Non. Et nous ne savons pas où elles se trouvent. Vous êtes donc suspecté de complicité de haute trahison. Qui devait vous acheter les plans ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mon père ne m'a jamais parlé de tout ça. Et Karim Mekloufi, le journaliste, qu'est-ce qu'il faisait avec vous en Algérie ? Il enquêtait sur mon père. Bon. Je vais vous laisser réfléchir un instant. Ne nous forcez pas à vous livrer à la CIA, Mademoiselle Evans. C'est le SDEC qui a tué Karim ? Vous pensez qu'il est sincère, Morel ? Soit c'est une excellente comédienne avec un mauvais texte, soit son père s'est encore plus foutu d'elle que de nous. Qu'est-ce qui lui prend là ? Coupez-moi le son. Elle craque. J'ai toujours présumé de sa complicité avec son père. À tort, visiblement. Bon, j'y retourne. Il a l'air plus calme. Vous avez pris le temps de réfléchir ? Sachez que nous ne sommes pour rien dans la mort de votre père. Il vous a manipulé. C'est lui qui vous a fait croire que vous étiez au service de la France. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je refuse de vous croire. Hector Créange vous a utilisé. C'était un calculateur redoutable, un traître à son pays. Un père qui n'a pas hésité à vous sacrifier. Pourquoi vous me dites tout ça ? Je ne vous veux aucun mal. Je cherche simplement à sauver ce qui peut encore l'être. Vous, en l'occurrence. Vous êtes seule, Jeanne. Et personne ne peut rien pour vous. Sauf moi. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je n'ai plus les plans du F-117. On se fout de ces plans. Désormais, c'est vous qui m'intéressez. Vous pouvez nous aider à construire l'avion furtif français. Si vous acceptez, vous serez transféré la semaine prochaine dans notre centre de recherche secret militarisé, sur le plateau d'Albion. Interdiction d'en sortir, vos fréquentations se limiteront à votre activité scientifique. Si vous nous donnez satisfaction, nous pourrons améliorer votre ordinaire. Et qui sait, peut-être vous sortir de là-bas d'ici quelque temps. Je suis une citoyenne française. Vous ne pouvez pas m'enterrer vivante comme ça. Je demande à être jugée. Je peux prouver mon innocence. Nous pouvons toujours vous extrader aux États-Unis si vous voulez un procès en bonne et due forme. En vous gardant en secret, nous vous évitons une mort certaine. Estimez-vous heureuse. Palais de l'Élysée, bureau de Jacques Ricard, 4h du matin. Mathieu, le président de la République m'a chargé de vous transmettre ses félicitations. Bravo. Merci, monsieur. Mais la mort d'Hector Créange me laisse un goût d'inachevé. Vous vous posez trop de questions. Savourez votre victoire. Figurez-vous qu'Afanassiev, le ministre soviétique, ne se cachait pas derrière Orlov. C'était une fausse piste. Orlov n'a jamais existé, il s'agit d'un leurre inventé par Créange. Orlov, un leurre ? Il n'y a aucune autre explication. Les informations fournies sont tout simplement trop nombreuses et de trop bon niveau. C'est écrit en tout du long. Enfin, vous êtes complètement obsédé par ce type, même mort. Orlov n'était pas la seule combine de Créange pour se faire de l'argent. Il y a beaucoup trop de mouvements sur ses comptes. Des montages très sophistiqués. Il trafiquait du renseignement à grande échelle. Il y a un projet d'envergure caché derrière tout ça. Orlov et Créange sont désormais enterrés. Nous trouverons d'autres moyens de nous procurer des renseignements technologiques. Mais Créange était en contact avec des acheteurs pour vendre les plans du Nighthawk. Il devait forcément s'appuyer sur un système en place depuis longtemps. Vous savez comme moi que c'est plus difficile que d'écouler de la drogue ou des œuvres d'art. Au nez et à la barbe des grands services de contre-espionnage, vous délirez, mon vieux. Considérez les faits. Créange a réussi à se jouer de nous et de la CIA. Il ne pouvait pas agir seul. Le président ne souhaite pas que nous allions plus avant. Il faut creuser. Ce qui se cache derrière Orlov a une importance capitale. Le dossier Orlov est classé très secret défense, avec un accès restreint au seul exécutif. Vous ne pouvez plus y accéder. Ordre direct du président. Mais enfin, cette décision est incompréhensible. Mathieu, il faut savoir s'arrêter. Certaines batailles ne méritent pas qu'on sacrifie tout pour elles. La recherche de la victoire totale est illusoire et dangereuse. Thank you.